Clair de lune par André Theuriet. Hier soir, tout en méditant à travers champs, j'épiais la montée de la lune derrière les arbres. La journée avait été exceptionnellement ensoleillée, un air attiédi, un ciel limpide d'un bleu pâle sur lequel, du côté de Fontenay, où le soleil venait de se coucher, de menus nuages vermeils s'éparpillaient comme une légère jonchée de ces roses qui ont donné son surnom au village. Un reposant silence s'étendait sur les vergers. Je regardais la lune grimper de branche en branche derrière les ormes effeuillés, puis émerger soudain de leur noir massif. Imparfaite encore à sa base, elle arrondissait, vers le zénith, son dos nacré, et je me rappelais le dicton classique « Cum luna facit de crescit, cum facit se de crescit ». Quand la lune a la forme d'un dé, elle croît, quand d'un C, elle décroît. Ce souvenir des années de collège me plongeait en une profonde mélancolie, en me marquant, avec plus de précision, l'étourdissante fuite des mois et des saisons, depuis le temps lointain où l'un de mes professeurs m'avait appris cette phrase latine. En combien de pays divers, en combien de circonstances joyeuses ou troublées, n'ai-je pas déjà assisté à ces radieux levées de lune? Et toujours ce spectacle a eu pour moi un mystérieux attrait. Toujours cette virginale et froide illumination baignant la campagne nocturne d'une clarté de féerie, m'a donné les mêmes émerveillements et les mêmes curiosités. En regardant la lune jaillir de la masse sombre des ormes et s'élever légèrement dans le ciel où les étoiles pâlissaient à son approche, je me remémorais les vers du grand poète Leopardi. « Que fais-tu, ô lune, dans le ciel? Dis-moi, que fais-tu, lune silencieuse? Tu te lèves le soir et tu vas, contemplant les plaines désertes, puis tu te couches. N'es-tu pas fatigué encore de repasser toujours par les mêmes éternels sentiers? Solitaire et infatigable voyageuse, toi, si pensive, tu sais peut-être le pourquoi de notre vie terrestre, ce que signifient nos souffrances, nos soupirs, et ce que c'est que la mort. Tu comprends certainement la raison des choses, et tu vois le fruit du matin, du soir, de la muette et infinie marche du temps. » Nous aimons ainsi à nous persuader que la lune, qui plane à 80 000 lieues de nous, comme une blanche et fidèle veilleuse, n'est ni étrangère ni indifférente à nos joies et à nos peines, à nos agitations et à nos évolutions terrestres. Et le fait est qu'elle a une secrète influence sur notre esprit. Comparez votre état d'âme lorsque vous voyagez la nuit sous un morne ciel couvert, ou lorsque vous errez dans la campagne éclairée par la pleine lune. J'en faisais l'expérience hier encore, en allant et venant dans un chemin où les ombres portaient des branches découpées sur le sol de merveilleuses dentelles. Quand je tournais le dos à la lune, les grandes masses boisées s'enlevaient en noir, à peine semées, çà et là, d'une lueur indécise, et je me sentais envahi par une indéfinissable inquiétude. Mais, lorsqu'en faisant volte-face, je revoyais devant moi le disque nacré courir parmi les ramures, il me semblait que j'allais à la fête. Les rayons légers et vaporeux, filtrant parmi les arbres, me suggéraient de mythologiques visions, et je rêvais à Endymion et à Diane. Quelle mollesse, quelle aérienne fluidité dans ces rayons tamisés par les rameaux finement entrelacés. Quelle féerie voluptueuse et calme dans ces alternatives d'ombre et de lumière. Et lorsque la lune, se dégageant du taillis, brillait au-dessus du cadre frissonnant des branches, quelle lueur enchantée, inexprimable. Elle me pénétrait les fibres du cœur et les assouplissait comme une huile divine. Si la lune a une si magique influence sur les âmes, pourquoi n'en exercera-t-elle pas une également sur les corps? La science ne met pas en doute son action sur le flux et le reflux de la mer. Mais elle ne va pas plus loin, et n'admet point, par exemple, que les changements de temps puissent dépendre des phases diverses des lunaisons. Le peuple est autrement hardi. Il attribue à la mystérieuse Phébé un pouvoir occulte, non seulement sur les phénomènes atmosphériques, mais sur les bêtes, les plantes, les gens, sur les pierres elles-mêmes. Chez moi, lorsqu'un mur s'effrite et se désagrège, on n'hésite pas à dire qu'il est rongé par la lune. Vous n'ôterez jamais de l'esprit d'un jardinier que la lune rousse grille impitoyablement les jeunes feuilles et les boutons exposés à sa lumière dans les mois d'avril et de mai. Les latins étaient convaincus que l'influence lunaire agit sur les mouvements de la sève, comme sur ceux de la mer, et Caton l'Ancien, homme peu aimable, mais au dire de Pline très entendu dans toutes les choses de la vie, estimait que la coupe des arbres devait se faire toujours dans le déclin de la lune. Aujourd'hui encore, beaucoup de vieux forestiers pensent que les bois abattus pendant le croissant ont moins de valeur et de durée que ceux qu'on a coupés pendant les deux derniers quartiers. J'ai même connu un coiffeur qui professait une semblable théorie à propos de la coupe des cheveux. Après tout, pourquoi n'en irait-il pas ainsi? La nature est pleine de phénomènes inexpliqués, et comme dit Hamlet, il y a plus de choses au ratio entre le ciel et la terre que n'en peut rêver votre philosophie. Quoi qu'il en soit, le charme des clairs de lune est indéniable. Ils sont la poésie du paysage nocturne. Ils y ajoutent une mystérieuse musique que nos oreilles n'entendent point et qui pénètre néanmoins jusqu'au fond de nos cœurs. Ils s'associent à nos plus chères émotions et en doublent l'intensité. Qui de nous, jeune ou vieux, n'a dans ses souvenirs une de ces nuits baignées de lune où il lui a semblé savourer ensemble toutes les joies de la terre, ainsi combinées d'une coupe pleine d'une exquise liqueur? Jamais, pour mon compte, je n'oublierai ces soirées irretrouvables, ces heures lumineuses passées au bord du lac d'Annecy, à guetter le lever de la lune au-dessus des montagnes. Elle apparaissait tout à coup, blanche comme une fiancée, dans l'échancrure des rochers, au moment où les derniers angélus tintaient encore et s'envolaient sur les eaux endormies. Et à mesure qu'elle montait, le lac s'éclairait, les ombres reculaient jusqu'au fond des gorges lointaines. Sur la large nappe liquide, les reflets lunaires dansaient, s'étendaient comme un mouvant réseau d'or et dessinaient un long chemin scintillant, qui avait l'air de mener à un pays de rêve. L'air devenait si limpide, si transparent, qu'on pouvait distinguer sur la rive opposée le frisson des roseaux et les formes des arbres aux feuilles luisantes. Tout faisait silence. À peine si l'on entendait dans les vignes la voix grêle des rainettes et tout là-bas, sur la route, la rustique chanson d'un paysan que le clair de lune mettait en gaieté. Les hautes montagnes du fond du lac avaient leur base noyée de vapeurs opalines, mais leurs cimes, pleinement éclairées, se découpaient nettement sur le ciel, et l'on y distinguait, çà et là, les taches neigeuses des glaciers. Ce vaste paysage était imprégné d'une poésie élyséenne. Dans cet adorable décor, on aurait voulu mettre une idylle d'amour et de jeunesse. Je n'ai jamais, tandis que je le contemplais, éprouvé si vivement le regret de n'être plus à l'âge où ces idylles-là sont permises. Ce fut la goutte d'amertume mêlée au vin délicieux que je dégustais. Il me semblait, sur le sillage d'or qui tremblait à la surface du lac, voir fuir une barque aux voiles rapides et que cette barque emportait ma jeunesse. Hélas, la lune reparaît de mois en mois avec ses enchantements et sa même féerique clarté. Mais notre jeunesse, elle, dès qu'elle a jeté son petit feu et que sa brève lumière s'est éteinte, notre jeunesse ne ressuscite plus. Il ne nous en reste qu'un stérile souvenir, et c'est le cas encore de répéter avec Léopardi. Vous, collines et plages, une fois la lune disparue à l'Occident, vous ne restez pas longtemps orpheline. Bientôt, du côté opposé, vous voyez le ciel blanchir et l'aube se lever. Mais la vie mortelle, quand la divine jeunesse a disparu, ne se colore jamais d'une autre lumière et d'une autre aurore. La vie humaine, au soir, sans rayons ni flambeaux, se traîne en tâtonnant jusqu'à la froide couche où la mort, appuyant son doigt sur notre bouche, nous endort dans la nuit sans astre du tombeau. Ainsi s'achève Clair de lune par André Theuriet.